dia keni wala yokulale titi wala teibo chepi wala muyuale widini ngonoyo hepopo eika onoka widizo enemi akukale nyale widina kengo Amako elali Nokona yu agwereche Mane wijizo kayi Amberite sheri Lamnerie san lafa Kemene go wanyini meza Mwana beki ya wakeche yo medile o Derriere grand monsieur Se cache une femme de feu Nyanre Amese beyi alo Amese mui walo Amese beyi alo Ame se muy walo, ame jakilo mo, ame se leilo, ngano lo amo. Wijina ke tule matembe mamio. L'homme n'est rien sans l'homme. En vérité, Tito, l'homme n'est rien sans la femme. La synagogue a souffert à moi, la bête y a oua, que tu y a mes vidéos. Derrière un grand monsieur se cache une femme de feu. De où Bénédicte? La bénédiction. C'est la marraine. Crocodile n'est toujours très fort. Alice, Vito. Oui, Dina, toi, tu n'as de que toi, yo. Mon nom, à vos abats, comme tu as bout toi. Oui, Dina, tu es à vos abats, comme tu as bout toi.